c'est le monde. Bio, bio. On a le caressé. Bio, bio. À la bambouillon, à la bambouillon, c'est les bonnes idées.